El mar bautiza, el mar bautiza, a, todos. Bautiza, el mar bautiza a todos los infelices. Pero el perdón por es igual. Un, pero el perdón es un la hueso caducidad humano. De las culpas, la caducidad tiene de una las sola culpas fecha. Tiene la una muerte. Sola fecha. Pero el perdón es un hueso humano. La caducidad de las culpas tiene una sola fecha. La muerte. La muerte. El mar ayuda, la sal colabora, pero la plasticidad del asco es puramente intestina. El mar es un aliado fiable, pero también es un verdugo implacable. El mar bautiza a todos los infelices, pero el perdón es un hueso humano. La caducidad de las culpas tiene una sola fecha. El mar ayuda, la sal colabora. El mar bautiza a todos los infelices por igual. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, cantaba. El mar bautiza a todos los infelices por igual. Mon cœur est gravé dans mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Suis-je meilleur, suis-je pire qu'une poupée de salon? Je vois la vie en rose bonbon, poupée de cire, poupée de son. Mes disques sont un miroir dans lequel chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisé en mille éclats de voix. Autour de moi j'entends rire les poupées de chiffon, celles qui dansent sur mes chansons, poupées de cire, poupées de son. Elles se laissent séduire pour un oui, pour un non. L'amour n'est pas que dans les chansons, poupées de cire, que chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisé en mille éclats de voix. Sale parfois je soupire, je me dis à quoi bon chanter ainsi l'amour sans raison, sans rien connaître des garçons. Je suis qu'une poupée de cire, qu'une poupée de son. Le soleil de mes cheveux blancs, poupée de cire, poupée de son. Mais un jour je vivrai mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Sans craindre la chaleur des garçons, poupée de cire, poupée de son. It's a